Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bilimpi avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche d'Abelépé où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements ouins et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Levez-vous s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions ce matin. Est-ce que tu peux prier et demander le Seigneur te bénir par sa parole ce matin? Priez. Je ne vous entends pas prier. Fermez les yeux, priez. Ne sois pas distrait par le voisin. Seigneur, merci. Tu es le grand, je suis. Seigneur, merci. Merci. Lorsque tu es là, notre vérité devient petit. Seigneur, merci. Parce que tu es grand. Nous t'élévons. Nous glorifions ton nom. Nous prions ce matin que ta parole vienne avec puissance. Seigneur, aie pitié de nous et bénis-nous par ta parole. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Envoie la parole et guéris-nous. Envoie la parole pour nous purifier. Parce que ta parole purifie. Envoie ta parole pour sauver ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes encore là, dans nos états, tels que nous sommes ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, béni, béni, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamez une fois. Lord, have mercy. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Que tout le monde peut dire, Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de nous et bénis-nous une fois ce matin. Seigneur, aie pitié. Venus dans nos états, tels que nous sommes ce matin, et nous te demandons de nous bénir. Aie pitié de nous et bénis-nous. Aie pitié de nous et délivre-nous. Aie pitié de nous et sauve-nous ce matin. Aie pitié de nous et Seigneur, purifie-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Tout le monde peut le dire. Oh, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié, Seigneur. pas péché. Ce n'est pas parce qu'on est là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes de bons chrétiens. Mais parce que tu as pitié de nous. Seigneur, aie pitié une fois ce matin. Et bénis-nous, Seigneur. Sauve, Seigneur. Guéris. Protège. Délivre ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Regarde son voisin et ton voisin et dit bonjour. Avec un sourire. Alléluia. Parfois, on s'assoit à côté de quelqu'un, tout le culte, et puis on part sans reconnaître la personne. Yeah, c'est possible. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer avec le verset de la semaine, Galates 3, versets 13 et 14. Alléluia. Pour vous rappeler que demain, mercredi, nous avons le concours des versets. Alléluia. Et je pense que l'équipe est prête. Alléluia. L'équipe est prête. Alléluia. Amen. C'est une manière de nous encourager, de pouvoir apprendre les versets. Alléluia. Si Satan vient avec une tentation, c'est la parole de Dieu qu'on va utiliser pour surmonter la tentation. Alléluia. Il n'y a pas d'autre arme que nous avons. Et donc, si tu n'as pas cette arme, donc tu ne peux rien faire devant la tentation que l'ennemi amène. Alléluia. Donc la première des choses pour pouvoir surmonter les difficultés, les problèmes, pour pouvoir affronter les démons, c'est connaître les versets. Alléluia. Et donc c'est pas un concours en fait. Alléluia. Mais c'est un moyen de nous encourager à mémoriser les versets. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Ok, donc le verset 13-14 de Galates 3, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2. Christ nous a rachetés de la maladie. Ah, une partie ne lit pas. Tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas Stéphane. C'est pas Stéphane qui doit aller. Alléluia. C'est tout le monde. Galates 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récussions par la loi, la foi, l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Est-ce que c'est possible de mémoriser? C'est possible. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récussions par la l'esprit qui avait été promis. Galates 3, 13 et 14. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore? Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Une fois, on va lire encore. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque. Son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut fermer la Bible? Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire une fois encore? Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14. Malédiction. Ça est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14, une fois encore. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Était devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ et que nous récussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, 14. It's working. Ça marche. Ça marche. Oh, ça marche. Oh, les gens disent ça ne marche pas. Parce qu'ils ne répondent pas. Alléluia. Ok, on va aller une dernière fois. Galates 3, 13, 14. La malédiction de la loi était devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Car l'esprit qui avait été promis, Galates 3, 13, 14. Alléluia. Ça, là, ça doit devenir un devoir à la maison. Hein? Est-ce qu'on va le faire? La plupart des temps, les gens ne le font pas. On dit, oh, pasteur, on va faire pasteur. On part de l'église et puis c'est fini. On a oublié. Ok. Alléluia. Ok, on va aller une dernière fois. Galates 3, 13, 14. De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Ok, on va mémoriser la première partie. Jusqu'au bois. Ok, jusqu'au bois. Est-ce qu'on peut, au moins, on peut faire ça avant de partir? Yeah, Galates 3, je pense c'est 13. Alléluia. 1, 2. Malédiction. Malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque pendu au bois. Galates 3, 13. C'est possible. On peut faire 13, 14. Et puis on met les deux ensemble. Et puis c'est fini. Galates 3, 13. On peut fermer la vie pour Galates 3, 13. OK. Galates 3, 13. Étant devenu malédiction pour, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. OK. Et puis la dernière partie. Galates 3, 14. Non, 1, 2, ensemble. 1, 2, afin. Ah? Galates 3, 14. OK. Allez continuer à la maison. Alléluia. Au moins, on a 13. C'est bon? 13, c'est bon. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer. Alléluia. La semaine passée, les deux semaines, on a parlé de Anakazo. Alléluia. Anakazo, qui est d'appliquer la force. Alléluia. D'appliquer, quoi encore, la persuasion. D'appliquer quoi encore? Hein, la Bible dit, contrains-les. Hein, Luc 14, verset 23, il dit, contrains-les, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Contraindre, persuader, forcer. Alléluia. Beaucoup de personnes n'aiment pas la force. Surtout les gens qui sont de tempérament phlegmatique. Le phlegmatique est lent. Il n'aime pas bouger. Il n'aime pas la force. Et beaucoup de personnes sont phlegmatiques. Hein? Elles disent, oh, levez-vous, on va aller dire, non, on va attendre un peu. Donc, ces personnes n'aiment pas la force. N'aiment pas, je sais pas comment, veulent faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible dit de contraindre. Hein, le christianisme, bien la chrétienté, ces jours-ci, si on n'applique pas la force, on peut pas servir Dieu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, ce matin, si tu n'étais pas forcé, fais beaucoup d'efforts, tu n'allais pas venir à l'église ce matin. C'est vrai, bien, c'est faux. Yeah. Dans la chrétienté de nos jours, il y a beaucoup d'activités. Le monde nous donne beaucoup, nous offre beaucoup de choses à faire, beaucoup d'options. Et donc, si on ne s'efforce pas, on peut pas servir Dieu. Alléluia. Parce que même à l'école, parfois on te dit dimanche, viens à l'école. Dimanche, il y a examen. Alléluia. Yeah. Le monde est en train de prendre tout. Il est en train de prendre tout aspect de nos vies. Et donc, si on ne s'efforce pas, on peut pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le monde qui fait qu'on a beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. Mais l'homme d'Anakazo, hein, l'homme d'Anakazo est quelqu'un qui n'est pas, comment on dit, qui ne se donne pas aux excuses. Alléluia. Tu ne donnes pas des excuses. Tu t'efforces pour faire et pour servir Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, on a parlé d'Anakazo, on a parlé de Biazo. Biazo, c'est la même chose. C'est la force. Alléluia. On dit le royaume de Dieu a subi beaucoup de violence depuis le temps de Jean-Baptiste. Alléluia. Et jusqu'à nos jours, sont les violents sont les violents. Ceux qui font la force. Ceux qui ont appliquent la force. Alléluia. Ceux qui ne donnent pas des excuses. Ceux qui disent que c'est possible, on peut le faire, on peut mémoriser. On peut venir, on peut aller. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui arrivent à recevoir la bénédiction. Pas ceux qui donnent des excuses. Yeah. Ceux qui donnent des excuses ne sont pas bénis. Yeah. On essaie sur le plan, ne vont pas avancer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je pense que à partir de d'aujourd'hui, les gens commencent à appliquer Anakazo. Appliquer la force. Hein? Est-ce que vous commencez à appliquer la force? Waouh. C'est comme les gens sont perdus. Ne comprennent pas le français. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne répondez pas. Donc c'est comme. Waouh. Alléluia. Amen. Waouh. C'est pas facile. Donc c'est, et puis on a appris aussi, comment on dit l'autre mot? Anadéa. Yeah, anadéa, c'est, on n'est pas gêné, ou bien on n'a pas honte. Yeah, on n'a pas honte. Yeah, tu te moques de moi, j'ai pas honte. Ou bien, yeah, à l'hostel, on a honte de dire qu'on est chrétien. Parfois. C'est vrai ou bien, c'est la réalité. Yeah, c'est la réalité, mais là, le chrétien, ces mots grecs, nous amène à ne pas avoir honte. La vie que si tu as honte devant les hommes, de moi devant les hommes aujourd'hui, le jour là j'aurai honte de toi. Je vais dire que je te connais pas. Alléluia. Donc le chrétien ne doit pas avoir honte. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Yeah, ce matin, je veux continuer un sujet que j'ai commencé il y a quelques semaines. Alléluia. Comment devenir un chrétien fort? Vous avez oublié. Vous avez oublié. Un chrétien fort. Être fortifié. On dit, sois fortifié. On aime dire ça, ou bien. On aime dire, sois fortifié. Alléluia. Mais il y a beaucoup de, on va voir 9 choses qui vont t'aider à être fortifié, à être un chrétien fort. Alléluia. On a commencé déjà. Vous vous rappelez, non? Yeah. Un chrétien fort. Un chrétien fort. Yeah. Alléluia. Beaucoup de personnes sont fortes dans beaucoup de choses. Yeah. Fortes dans beaucoup de choses. Par exemple, la politique. Parfois les gens parlent comme ils sont le chef de truc là de la partie politique. Yeah. Les gens sont forts dans beaucoup de choses, forts à l'école. Yeah. Plus que la force dans l'école, ils sont forts dans l'école, ils sont forts dans les relations. Fini avec cette relation, la force. On fait tout et tout. Yeah. Les gens sont forts dans la fornication. Mais la Bible ne nous demande pas d'être fort dans la fornication. Yeah. Cela dit que tu vas contre la Bible. Fort dans le sport. Yeah. On connaît toutes les équipes de ce monde. Qui aiment le sport ici? Yeah. Les filles aussi. Yeah. On connaît toutes les équipes, on connaît tous les joueurs. Parfois même on est comme les entraîneurs. Mais David, est-ce que tu fais la même chose? Yeah. On est fort dans quoi aussi? L'école, yeah. Oh, à l'école, ceux qui travaillent sont forts au boulot. Alléluia. Yeah, certaines de ces choses ne sont pas mauvaises. Alléluia. Mais lorsque tu lis la Bible, l'une des choses que Dieu me demande d'être fort, c'est dans les choses spirituelles. Alléluia. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde est contrôlé dans le monde spirituel. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu vas voir que la force négative ou bien l'ennemi va te contrôler. Yeah. Donc, ta vie est contrôlée par l'ennemi. Ta vie est contrôlée par les démons. Ta vie est contrôlée par une force négative. Et le résultat n'est pas une bonne chose pour toi. Ne sera pas. Mais lorsque tu es fort dans les choses spirituelles, tu es fort comme un chrétien, ces forces négatives ne peuvent pas te contrôler. Parce que tu es fort. Ou bien, vous comprenez? Yeah. Donc, Éphésiens, il y a un passage là, nous connaissons tous, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens, est-ce qu'on peut lire? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ici, fortifiez-vous afin de tenir ferme. Alléluia. Donc pourquoi? Ce passage nous montre pourquoi nous devons être fortifiés même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'ennemi. Parce que nous avons affaire avec les forces invisibles. Hein? La Bible nous a énuméré un peu. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas la chair et le sang. Lorsque tu vois ton professeur qui devient méchant contre toi, c'est pas lui. Il y a quelque chose qui l'influence à être méchant contre toi. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est pas la chair, c'est pas ce que tu vois. Mais il y a une force invisible qui influence cette personne et agit contre toi de la manière. Lorsque ton landlord, yeah, La fois passée, on a visité quelqu'un là, un couple. Ils disent que le landlord a pilé le foufou au même endroit. Et nous aussi, nous avons mis le truc là au même endroit, on a pilé le foufou. Le landlord venait nous dire qu'on est en train de faire du bruit. On est en train de le déranger. Hein? Il a pilé le foufou à manger. Il est plein, il est en train de dormir. Et nous avons pilé le foufou. Et c'était pas facile pour nous. Le foufou, en mangeant le foufou même, le foufou n'arrive pas à entrer dans l'estomac. Alléluia. Yeah! Ce sont des forces qui agissent. C'est pas ce que tu vois. C'est pas le landlord, mais quelque chose est en train d'influencer le landlord. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas les gouvernements? Les ministres, on vote pour ces personnes, croyant que on aura de l'eau à boire, de l'électricité. Hein, il y aura tout ce dont on a besoin. Hein, on paie les taxes chaque mois. C'est les taxes, non? Bien. Yeah, chaque mois, on fait beaucoup d'argent. Mais on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la corruption qui est là. Tu vois. C'est pourquoi les gens, lorsque les gens parlent de l'évangile, parlent contre l'évangile, c'est pas le coup d'État qui va changer la manière dont le gouvernement gouverne le pays. Hein? C'est pas les rebelles. C'est pas ça qui va changer. Mais lorsqu'on lit dans la Bible, on va voir que les rebelles même sont tués. Lorsque tu t'élèves contre l'autorité, tu es contre Dieu. Parce que la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc les rebelles sont en fait contre l'autorité, contre Dieu lui-même. Alléluia. Aha. Donc c'est pas ça qui va changer le gouvernement, qui va faire de manière que le gouvernement va bien gouverner, va amener le développement, la prospérité, les emplois. Non! C'est pas ça! C'est par l'évangile. Alléluia. Hein? Imaginons pas chrétien que maintenant tu as changé de vie et tu as peur de Dieu. Est-ce que tu seras corrompu dans le gouvernement si tu deviens ministre? Tu ne vas pas voler. C'est pas la parole de Dieu, c'est par Dieu. C'est pas Jésus-Christ que on va changer. Alléluia. Que nous allons changer. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est parce que ces gens sont influencés par l'ennemi. Ne sont pas influencés par Dieu, ne sont pas spirituels. C'est pourquoi nous sommes dans le sous-développement depuis combien de temps? Depuis ma naissance, j'ai atteint sous-développement, en voie de développement. À un moment donné, on a choisi en voie de développement, et c'est toujours en voie de développement. Yeah. En voie de développement. Alléluia. En voie de développement. Chaque fois, lorsque je rentre à la maison, par exemple, 18h, 19h, lorsque je rentre à la maison tôt, je suis triste. Je deviens triste sur la route. Pourquoi? Parce que en bouteille, tu peux rester dans la bouteille pour 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et la cause, tu vas penser que peut-être qu'il y a un accident qui a bloqué la voie. Mais lorsque tu arrives, c'est juste un bus stop. Et juste un bus stop où les vendeurs ont pris une partie. Et puis les trottoirs ont pris une partie. C'est juste. Et puis juste après le bus stop, il n'y a même pas de voiture. Et à cause de cela, tout le monde attend 2 heures de temps. Hein? Lorsque tu fais moins de 30 minutes, c'est comme tu es arrivé à la maison, tu as quitté le bureau à 16 heures. Au moins 1 heure de temps à cause de ce bus stop-là. Et lorsque j'arrive à dire, donc ce pasteur-là, il n'y a personne. On a nommé un ministre, ou bien un ministre de quoi? De transport, bien de route, ou bien de voiture, ou bien de bicyclette, je ne sais pas. un ministre qui est nommé pour faire ça, pour prendre charge. Et puis tout le monde est là. Depuis plus de 1 an, on a cette situation. Plus de 1 an, on a cette situation. Et le ministre est là, on le paie chaque jour. On le considère comme ministre de l'État ou bien ministre du gouvernement. Ou bien, en voie de développement. Donc, vous allez voir que c'est l'influence. C'est l'influence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il ne pense même pas à la population. Il ne s'intéresse même pas. Il ne s'intéresse même pas. Donc, c'est des influences. C'est pas la chair et le sang. C'est pas les dominations. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Parle contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants. Alléluia. Esprits méchants qui sont là. Donc, si tu n'es pas fort, c'est fini pour toi. Yeah, c'est fini pour toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah, donc, pourquoi tu deviens je suis en train de monter, pourquoi tu dois être un chrétien fort à cause de l'esprit méchant. Alléluia. À cause de beaucoup de difficultés, à cause des situations dans lesquelles nous sommes, tu dois être un chrétien fort. Si tu n'es pas fort, tu seras ballotté. Tu seras ballotté, tu seras guidé par l'ennemi. Et tu vas faire la volonté de l'ennemi. Tu vas accomplir ce qu'il veut accomplir avec toi. Il faut savoir que l'ennemi a un plan pour nous. Un plan à moyen terme et à long terme. Un plan à court terme. Hein? Ou bien, on entend souvent développement à court terme, développement à moyen terme, développement à long terme. Alléluia. L'ennemi a un plan pour toi. Donc, lorsque tu te laisses, il accomplit son plan par toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous aimez le message? Vous êtes sûr? Je pense que je prends le français que tout le monde comprend. Alléluia. Wow. Donc, pourquoi nous devons être forts? À cause de beaucoup de choses qu'on vient de lire. Hein? On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Ah. Luc chapitre 11, verset 21. Luc chapitre 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison et ce qu'il possède est en sécurité. Et verset 22. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Un homme fort, yeah, les armées, il peut garder tout. Mais si un homme plus fort, alléluia, un homme plus fort arrive, tu vas voir que tu peux surmonter, tu veux gagner la bataille. Wow. Wow. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Yeah. Yeah. On doit être aussi fort pour que nous puissions accomplir ce que Dieu nous a appelé à accomplir. Alléluia. Dieu a un plan pour nous. Et lorsqu'on n'est pas fort, on peut pas accomplir ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Yeah. On doit aussi être un chrétien fort parce que il y a un temps de tentation. C'est dans le passage qu'on vient de lire là. Éphésiens chapitre 10. Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Pour tenir ferme. Parce que le diable va venir avec force. Mais tu dois être plus fort. Alléluia. Ah, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre les tentations. Alléluia. Parce que le diable est rusé. Hein? Le diable est rusé. Quelqu'un a dit non, le diable n'est pas rusé. Il n'est pas intelligent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est rusé. Alléluia. Il est rusé. Amen. Yeah. Verset 13. Dans Éphésiens 6, verset 13. Verset 13, qui dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a résister. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas résister. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à résister. Yeah. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Yeah. Donc, nous devons être des chrétiens forts. Parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu est disponible. C'est disponible. Et donc, lorsque tu appliques, ou bien tu veux être fort, tu peux être fort. Alléluia. Amen. Pour résister. Sinon, si on peut pas, Dieu ne va pas dire ça. Yeah. Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Wow. Et nous devons être forts pour aider les autres qui sont faibles. Romains 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de versets pour nous aider. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne l'en sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Alléluia. Yeah. Nous devons être forts pour supporter les faibles, ceux qui sont faibles. Yeah. Parce que nous ne sommes pas au même niveau. Donc ceux qui sont faibles à côté de nous, on peut les supporter. C'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose. Yeah. Proverbe 24, verset 5. Proverbe 24, verset 5. Alléluia. Yeah. Un sage est plein de force. Et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Alléluia. Donc, c'est ça, dit que c'est une sagesse d'être fort. Ou bien, yeah, tu es fort lorsque tu es sage. Tu es sage, tu te fortifies. Alléluia. C'est le fou qui n'est pas fort. C'est l'insensé qui n'est pas fort. Le sage, c'est que, je vais rencontrer des difficultés, donc je dois me préparer. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez la parole de Dieu? Yeah. Mais 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens. OK. 1 Corinthiens. Donc, on a 9 choses que nous pouvons faire pour être fortifiés, pour être des chrétiens forts. La première des choses, c'est être un chrétien, bien avoir une vie chrétienne profonde. Je pense que j'ai déjà partagé ça. Vous vous rappelez, non? Yeah. Tu es profond. Tu es profond. Alléluia. Amen. Tu es profond. Luc chapitre 8, verset 13. Il faut garder 1 Corinthiens. On va arriver tout de suite. Luc chapitre 8, verset 13. OK. Un chrétien qui est profond, une vie profonde de chrétienté. Alléluia. Yeah. Une vie profonde. Vie profonde. Yeah. Qui dit quoi? Luc chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Wow! Est-ce que vous avez vu? Yeah. Yeah. C'est l'histoire de la semence, c'est ça, non? Yeah. Ils reçoivent la parole avec joie. Oh, parce que tu as bien péché. J'étais touché. Je me suis retrouvé dans le message. J'aime cette parole d'aujourd'hui. Je suis béni. La joie. Mais on rentre à la maison parce qu'on n'a pas de racines. Tu vois que, non, il y a une petite tentation. Et puis c'est fini. On a oublié. On tombe. On est découragé. Yeah. Est-ce que ça vous arrive parfois? Ça arrive. Ça arrive. Parce que parfois les gens viennent me dire, oh, parce qu'il y a ça, ça, ça. Et puis je me rappelle d'une parole, ou bien d'un verset, ou bien d'une parole, ou bien d'un message. J'ai dit, oh, j'ai pressé ce message. C'est comme la personne a oublié le message. Ou bien n'a pas pris racine, ou bien n'est pas enraciné à la personne. Alléluia. Amen. Yeah. D'être profond dans quoi? Dans ta foi. dans ce que tu crois. Alléluia. Parce que tu crois, tu dois être profond. Pourquoi tu es né de nouveau? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu dois prier? Wow. Tu sais pourquoi tu dois prier? Hein? Est-ce que tu t'es posé une question? T'as posé la question. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu dois venir à l'église? Tu ne dois pas rester à la maison et regarder la télé. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Beaucoup d'entre vous ne savez pas. C'est pourquoi vous restez à la maison, vous regardez la télé, dites oh non, parce qu'aujourd'hui, je veux regarder la télé, j'ai regardé le message, on a pressé le message, donc c'est bon, je ne dois pas venir à l'église. Beaucoup d'entre vous, vous dites ça. Hein? C'est vrai, mais c'est faux. Yeah! Tu n'es pas profond. Si tu es profond, tu vas venir, tu vas savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets qui parlent de pourquoi tu dois venir à l'église. Il faut lire le livre de Actes. Il y a beaucoup d'exemples là-bas qui se rassemblent dans la maison, qui se rassemblent à l'église, qui vont. Jésus, prenons par exemple l'exemple de Jésus. La Bible dit que Jésus allait chaque semaine à la synagogue. Il est là, il a l'habitude, c'est une habitude d'aller dans l'église pour aller lire la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui nous donnent. Et lorsque tu connais ça, tu sais que, ah non, je veux suivre Jésus. Yeah. Je veux faire l'exemple de Jésus. Ou bien le livre de Actes. Lorsque Pierre, Paul, les gens prêchaient, ils allaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Alléluia. Amen. Ils passaient le temps ensemble. Comme les enfants de Dieu. On passe le temps ensemble. Alléluia. On vient, on prie ensemble. On vient, on répète ensemble. On se réunit ensemble. On suit un enseignement ensemble. Yeah. Yeah. Yeah. Les gens s'impliquent dans la masturbation parce que ils veulent être seuls. Yeah. Tu n'es pas avec l'assemblée. Tu regardes la pornographie parce que tu n'es pas avec l'assemblée. Tu veux rester toujours seul. Yeah. Parce que tu n'es pas fort. C'est pourquoi tu t'impliques dans ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah! Yeah! Lorsque tu es avec l'assemblée, il y a un feu qui brûle. Le feu de ta foi ne s'éteint pas. Le feu de la sainteté ne s'éteint pas. Le feu d'encouragement ne s'éteint pas. On est toujours encouragé. Tu regardes ta situation. Ok. J'ai pas mangé. Moi aussi, j'ai pas mangé. Le Western n'est pas. Moi aussi, j'attends le Western. Et ça t'encourage à voir que tu n'es pas seul. Yeah. Yeah. Lorsque tu restes, tu penses que tu es seul, le seul dans ce monde. Combien de milliards de personnes? Toi seul. Ok. Tu penses que tu es le seul, il y a la seule personne dans ce monde entier à qui on n'a pas envoyé le Western. Yeah. Tu penses que c'est le toi seul. Parce que c'est toi seul. Yeah. Tu penses que c'est toi seul. Mais c'est pas toi seul. Mais lorsque tu es avec l'assemblée, tu vois que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dans notre tête profonde, dans notre croyance, pourquoi je dois prier? Lorsque je prie, j'amène Dieu pour me guider. Mais lorsque je me laisse, je laisse le diable de me balloter. Balloter. Balloter. Pourquoi je dois lire la Bible? Pourquoi je dois connaître la parole de Dieu? Hein? C'est pour qu'on a institué un verset par semaine. Un verset à mémoriser par semaine. Alléluia. Pour être profond. Pour comprendre. Alléluia. Pour comprendre la bénédiction d'Abraham. Abraham était béni. Tu ne sais pas. Je vais prendre un verset pour toi cette semaine. Alléluia. Yeah. Il faut être un chrétien profond. Pourquoi tu parles en langue? Pourquoi tu dois parler en langue? La langue même, c'est quoi? Hein? Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Pourquoi tu dois parler en langue? Donc, tu n'arrives pas à parler. Pourquoi? C'est pourquoi beaucoup de personnes arrivent dans leur hostel, arrivent à la maison, on commence à te poser des questions. On va voir ça tout de suite. Et puis, ah, ok, c'est vrai, hein? Ce que tu dis là, c'est vrai. L'église là, on ne sait même pas, Lighthouse, on a entendu des choses. Moi aussi, une fois, j'ai entendu même, mais je suis allé aujourd'hui à Michel. Tu vois, beaucoup de personnes ne sont pas enracinées. Donc, ces commentaires viennent. Tu vois, le diable lance des commentaires. Il juste dit un mot. Juste un mot, juste une phrase, juste une expression. Et puis, c'est fini. Tu es, il y a la confusion. Yeah. Le diable aime la confusion. Là où c'est pas clair. Vous voyez, non? Là où c'est pas clair. Là où il y a un petit camouflage. On appelle camouflage. C'est pas clair. Non. C'est ce que le diable aime. Donc, il pose une question de confusion. Et puis, tu ne connais pas la réponse. Il n'y a même pas de réponse. Et puis, ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyons des chrétiens qui sont profonds. Qui comprennent. Qui savent. Pourquoi? Je dois donner une offrande. Je donne ma dîme. Je paie ma dîme. Ce sont des choses de base de la chrétienté. Ces choses ne sont pas là. On n'est pas enraciné dans ces choses. On n'est pas fort. On n'a pas de racines. On peut facilement tomber. On peut facilement démissionner. On peut facilement ne pas venir à l'église. On peut facilement laisser Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Jésus? Pourquoi je dois croire en Jésus-Christ? Et c'est pourquoi tu dois croire en Jésus-Christ? Yeah. L'ennemi a lancé beaucoup de questions concernant Jésus-Christ. Vous me regardez, vous savez, non? Yeah. Il y a beaucoup de questions contre est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Déjà, tu es confus. Déjà, tu es confus. Déjà. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, pourquoi tu dois croire en Jésus? Pourquoi tu dois donner ma vie à Jésus? Et beaucoup de francophones ne donnent pas leur vie à Jésus à cause de ces questions, ces confusions autour de Jésus. Alléluia. Amen. Yeah. Tu n'es pas profond parce que, par exemple, si ton ami venait ensemble et ton ami ne vient pas à l'église, toi aussi tu ne viens pas. Parce que tu n'es pas profond. Yeah. C'est comme c'est ton ami qui est Dieu. C'est lui qui te donne la vie. C'est pas Dieu qui te donne la vie. Donc, s'il ne vient pas à toi, si tu ne viens pas à Dieu. Yeah. Tu as oublié que c'est Dieu qui détient ta vie. Ou bien, yeah. Yeah. David, comment on dit, Daniel. Daniel chapitre, je pense 23, verset 5, bien 5, verset 3. Daniel. Wow. J'ai pas prêché le message d'aujourd'hui. J'ai même pas, je fais le rappel de ce qu'on a. Vous avez oublié, non? Yeah. Daniel chapitre 5 verset 23. Daniel. Ok. Tu t'es élevé contre le Seigneur des dieux, le vase de sa maison a été apporté devant toi, et vous vous êtes servi de boire, pour boire du vin. Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point. Hein? C'est pourquoi il faut pas adorer les bois. Il faut pas adorer les autres dieux. Hein? Le fer, le bois, l'or. Il faut pas adorer l'argent. Il faut pas adorer un homme, bien une femme. Ok? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Qui ne voit point, qui n'entend point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans ses mains ton souffle et tes voix. Est-ce que vous voyez? Yeah. Dieu a ta vie dans ses mains. Comme ça. Lorsqu'il te presse comme ça, c'est fini. Tu es mort. C'est Dieu qui détient nos vies dans ses mains. Est-ce que vous voyez? Yeah. Il a ton souffle dans ses mains. Il a ses voix dans ses mains. Wow. Est-ce que vous êtes là? Donc, vous devez devenir un chrétien profond. Hein? Un chrétien profond. Pourquoi tu ne dois pas forniquer? Pourquoi tu ne dois pas voler? Il y y a des chrétiens qui volent. Yeah. C'est sérieux. La chrétienté d'aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont pas enracinés. Yeah. Ils ne sont pas enracinés. Yeah. On peut voler un téléphone tout de suite. Laisse ton téléphone sur la chaise et puis sors. Sors! Non, est-ce que je dis quelque chose de bizarre? Vous êtes en train de rire, c'est comme ce que je dis là, c'est pas vrai. Yeah. Voler tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Yeah. Durant la conférence, on supposait que c'est la conférence des pasteurs ou bien. Yeah. Les choses ont été volées. Conférence des pasteurs. Disons. Oh bien. Yeah. Tu ne peux pas voir quelque chose que non, ça là, ne m'appartient pas. Je ne peux pas prendre. Mais ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, tu deviendras profond. Un chrétien qui comprend. Un chrétien qui veut être fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc la première des choses à être un chrétien fort, c'est d'un chrétien qui a une vie profonde. Qui comprend ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Et puis un chrétien, si tu veux être profond aussi, tu dois être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de la parole de Dieu. Tu ne dois pas être un chrétien vide. Alléluia. Un chrétien qui est vide. Tu n'as rien en toi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es vide. Tu n'as pas la parole en toi. Tu ne connais pas de parole. Alléluia. C'est pas, je dis, j'étais très découragé parce qu'on a une équipe qui devait nous représenter à Kodesh. Et puis, ils n'ont pas appris les versets. Yeah. C'est comme c'est toute l'église qui n'a pas appris les versets. Yeah. Tu vois que les gens ne cherchent pas, on ne fait pas d'effort pour être profond. Alléluia. Yeah. Et comme on a appris en Akash, si tu ne fais pas d'effort, tu ne pourras pas être un chrétien fort. Tu dois faire un effort. Alléluia. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Rempli de foi. Et la foi vient par la parole de Dieu. De plus tu as la parole, de plus tu as foi en Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Celle-là, je ne sais pas si ça passe bien. Alléluia. Et si tu veux être profond, tu ne dois pas être rempli de certaines choses. Yeah. La méchanceté. Faut pas être un chrétien méchant. Hein? Faut pas être un chrétien qui est rempli de fornication. Faut un chrétien qui est rempli d'envie. Pas un chrétien qui est rempli de convoitise. Faut pas convoiter les choses. Hein? Waouh. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Ça, c'est juste un rappel. J'ai en train de faire un rappel de ce qu'on a déjà fait. Waouh. Wow. Yeah. Donc maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, verset 58, sorry. Verset 58, 1 Corinthiens 15. Ça, c'est un verset à mémoriser. 1 Corinthiens 15. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes bénis ce matin? Il n'y a pas de problème. Ainsi, mes frères, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Yeah. En fin de compte, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? La première des choses à être un chrétien fort, c'est quoi? Non. Non. Il y a 9 choses. J'ai partagé la première chose tout de suite. Être un chrétien profond. Vous avez compris, non? Yeah. Chrétien profond. Être chrétien, avoir une vie de chrétienté profonde. Alléluia. Amen. Là, tu ne seras pas secoué. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Première chose, sois un chrétien qui est fort. Tu crois en Dieu. Tu sais pourquoi tu crois en Dieu. Et personne ne peut te détourner de ça. C'est ce que je viens de partager. Un chrétien profond n'est pas normalement gêné par le péché de l'autre personne. Si tu es profond, alléluia, un chrétien profond n'est pas... Dis-moi, oh non, moi je vois le gars là, la manière dont il se comporte là, donc je ne viens plus à l'église. Ta vie dépend de la vie de le frère là. Donc tu n'es pas profond. Beaucoup de personnes, j'entends, la manière dont les gens de Lighthouse se comportent là, Lighthouse d'Abelique, là, la manière dont moi je ne viens plus. J'ai un chrétien qui est shallow. Shallow veut dire quoi? Superficiel. Superficiel. Superficiel. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Yeah. Je ne suis plus en train d'encourager les gens d'aller faire des bêtises. Mais je suis en train de parler de ta vie chrétienne. Toi comme chrétien. La relation que tu dois avoir avec Dieu. Vous comprenez, non? Ça, c'est un chrétien profond. Tu as une relation avec Dieu. Mais tu es avec les autres chrétiens. Parfois, on vient à l'église, on pense que, bon, maintenant je suis avec un groupe des anges. Yeah, maintenant je suis avec un groupe des anges. Dans le groupe des anges, là, il doit se comporter comme des anges. Ou bien, est-ce que toi-même, tu es ange? Yeah. Donc, si tu n'es pas ange, cela veut dire que déjà, tu n'es pas avec les anges. Ou bien, je n'encourage pas les bêtises. Alléluia. Ici, on n'encourage pas les bêtises. Mais on doit savoir qu'on est avec des gens qui ne sont pas parfaits. C'est ça? Ou bien, donc, un chrétien profond qui a une vie, qui connaît Dieu, sait que je ne suis pas avec les anges. Et ça doit me détourner dans ma relation avec Dieu. Tu as compris? Ça, c'est un chrétien qui est profond. Il comprend pourquoi. On ne le dit pas prie, il prie lui-même. On ne veut pas appeler, oh, tu viens à l'église aujourd'hui, ok, lorsque tu viens, Dieu va te bénir, ok, tu sais, aujourd'hui c'est spécial, avant que tu ne te lèves pour venir à l'église. Tu es superficiel. Tu es superficiel. On doit te cajoler. Il y a cajolé. On doit te cajoler, on doit te faire des trucs. Mon frère, tu sais, lorsque tu viens aujourd'hui, il y a une parole puissante. L'Esprit de Dieu va te toucher. Tu vas voir la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va... On doit dire tout ça là pour que tu puisses te lever pour venir à ton Dieu qui a ta vie dans ses mains, qui t'a donné vie, qui t'a donné force ce matin. On doit dire tout ça là. Ça, parfois, c'est pas facile avec les leaders. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas profond. Et à partir de là, tu vas connaître ton Dieu. Développer une relation avec lui. Tu te lèves le matin, tu sais que, je dois aller. J'ai une relation, j'aime le Dieu. Si on demande à tout le monde, est-ce que vous aimez Dieu? On va dire tout qu'on aime Dieu. Mais est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Faut demander à deux, un garçon et une fille qui sont amoureux. Faut demander. Est-ce qu'on leur demande, va aller voir ton amour avant d'aller? Est-ce qu'on te demande d'aller d'abord? On t'appelle, oh Roselyne, ton amour, il a besoin de toi. Ok, lève-toi. Oh. Non. Non. Si tu sais que tu dois rencontrer la personne demain, dimanche, La nuit, là, tu ne vas pas dormir. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, Dieu, on dit qu'on aime Dieu. On aime Dieu. On doit vous forcer. Je dois même prêcher un message sur Anakazo. Pour t'amener à aller vers ton Dieu que tu aimes. Yeah. Tu vas voir que beaucoup d'entre nous, on dit on aime Dieu, mais on n'aime pas Dieu. On donne des excuses. Excuse après excuse. De quelqu'un qui t'aime. Dieu t'aime. Yeah. Parce que Dieu détient ta vie. Faut pas oublier ça. Si tu es ici, c'est Dieu. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas quelque chose que tu as fait de bon ou bien de... Je sais pas. C'est pas que tu es spécial. La Bible dit que Dieu nous a aimés, mais dans nos péchés. Ça, c'est pas important pour toi. Est-ce que vous comprenez même ça? Si tu comprends ça, tu vas agir d'une manière différente. Yeah. Est-ce qu'on doit te cajoler pour venir à l'église? On doit te supplier. On doit te persuader. La fois passée, j'ai appris, mais il faut même menacer. On doit te menacer que tu ne viens pas, tu vas aller dans l'enfer. Hey! Yeah. C'est parce qu'il y a de superficie. La superficie du Ghana. Superficielle. Yeah. Superficielle. Mais superficielle, on n'a pas profond. Un Dieu. Il faut savoir que, même si je ne sais même pas comment expliquer. Yeah. Yeah. Tu as la vie. Tu crois que tu es belle. C'est Dieu qui t'a donné la beauté. Il peut prendre cette beauté aujourd'hui. Juste comme ça. Yeah. Yeah. Et puis c'est fini. Il peut toucher ici, il fait le doigt. Il peut prendre son doigt et puis toucher ici. C'est fini. Et je dis chaque fois que Dieu n'a pas besoin de toi. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Hein? Alléluia. Waouh. Je ne sais pas vous aimez le message. Wow. Donc, la semaine prochaine, on va continuer. Sinon, on va voir comment à être un chrétien qui est inébranlable. Comment être un chrétien inébranlable. Inébranlable veut dire quoi? Qui ne bouge pas. Qui n'est pas secoué. Alléluia. Yeah. Donc, la deuxième chose, c'est un chrétien développer une vie de chrétien, de chrétienté qui n'est pas inébranlable. Ou bien, qui est inébranlable. Qui n'est pas ébranlable. Qui n'est pas secouable. Alléluia. Un chrétien, pour devenir un chrétien fort, tu dois être un chrétien qui n'est pas ébranlable. C'est inébranlable. Un chrétien qui est inébranlable. Il faut pas me confondre, s'il vous plaît, les Français. Le français des français. Waouh. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Colossiens 1, verset 23. Colossiens. On va lire ce verset peu. On va partir. Colossiens. Est-ce que vous aimez le message? Faut pas rater. Viens apprendre. Colossiens 1, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2. Si du moins, les gens ne lisent pas. Tout le monde. Si tu n'as pas de vie, regarde ton voisin. Regarde dans la vie de ton voisin. Tout le monde. Je vous attends. S'il vous plaît. On est à l'église, on lit la Bible. Yeah. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 23. 1, 2. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Wow. Fondé et inébranlable, qui n'est pas sans détourner. Yeah. Yeah. Si tu veux être un chrétien fort, tu es un chrétien qui n'est pas détourné de ta foi, détourné de ce que tu fais pour Dieu, détourné de tes activités de l'église, détourné de ta foi en Dieu, de l'évangile, détourné de ton salut. Alléluia. Un chrétien qui est inébranlable. Détourné. Wow. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Parce que beaucoup de personnes commencent la chrétienté bien. Bien. Oh, je veux servir le Seigneur. J'aime le Seigneur. Merci qui m'a sauvé. Maintenant, je vois. Avant, je ne voyais pas. Maintenant, je connais. Alléluia. Et je veux servir Dieu. Tout le monde a fait ça, ou bien? Yeah. Mais est-ce que dans une semaine, dans deux semaines, dans trois, un mois, dans deux mois, tu vas dire la même chose? Si tu es un chrétien qui est inébranlable, tu diras la même chose. Même si dans cinq mois, parce que tu es fondé, ta vie de chrétien est fondée sur quelque chose. Alléluia. Tu es raciné. Et tu n'es pas facilement, on ne te détrompe pas facilement. On ne te trompe pas facilement. Yeah. Les francophones. Ah, s'il vous plaît, il faut me pardonner parce que nous sommes des francophones, bien. Yeah. Facilement, tu entends, on est arrivé à l'hostel et puis tu es en train de parler avec un ami qui n'est pas venu à l'église. Et c'est lui qui te parle de l'église. Et puis tu te détournes. Yeah. Ou bien, chrétien qui est inébranlable. Tu es facilement détournable. Tu es facilement trompé. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. L'une des choses d'un chrétien qui est inébranlable, un chrétien qui est inébranlable, ne répond pas aux questions, foolish questions. Questions stupides. Yeah. Les commentaires stupides. Tu ne réponds même pas. Yeah. Et ce sont des choses que les gens disent, les francophones, qui ne vont pas à l'église. Ou bien, c'est comme vous ne comprenez pas ce que je dis. Ou bien c'est vous-même qui dites des bêtises là. Pour des questions bêtes là. Yeah. Pour des questions. Yeah. La fois passée, mon fils est venu me dire, ah, donc, où est le papa et maman de Dieu? Ils sont donc, qui a mis au monde Dieu? Yeah. tu vois, pour mon fils, il veut comprendre. Mais pour ceux qui veulent te détourner, c'est pas pour comprendre, c'est pour avoir une cause pour ne pas venir à l'église. Pour ne pas donner leur vie à Dieu. Yeah. Vous comprenez ce que je dis, non? Yeah. Pour des questions stupides. Pour mettre en cause ce que tu es en train de faire. Tu vas encore à l'église. Ah, mais tu étais là hier. À l'église, trop. Vous faites quoi là-bas? C'est pas pour comprendre, c'est pas des questions pour comprendre ce que tu es en train de faire. C'est pour te rendre stupide, c'est comme tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Ou bien, yeah, yeah. Pourquoi vous donnez deux offrandes à l'église? C'est pas pour comprendre, mais pour avoir une cause pour dire que ce que tu fais c'est pas bien. Yeah. Pourquoi vous payez la dîme? C'est pas pour comprendre pourquoi tu dois payer la dîme. Parce que lorsque tu commences à expliquer, il va pas comprendre. Mais pour te dire que payer la dîme c'est pas bon, ce sont des questions stupides. Et si tu es un chrétien qui est inébranlable, tu ne réponds pas à ces questions. Hein? Tu ne réponds pas. Alléluia. Yeah. Dieu ne répond pas. Est-ce que vous êtes là? Hey, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? 2 Timothée 2, verset 23. Avant de partir. Au moins. On va continuer la semaine prochaine. 2 Timothée. Il y a 9 choses. On a déjà, on a seulement 2. 2 Timothée 2, verset 23. De Timothée 2, verset 23, est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est comme le pasteur en train de dire quelque chose. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est que pourquoi on ne doit pas répondre? Parce que lorsque j'ai dit ça, quelqu'un a posé la question, pourquoi on ne doit pas répondre? Quelqu'un a posé la question. Et c'est ça, je te donne la réponse ici. 1, 2, on lit ensemble. 1, 2. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elle fait naître des querelles. Yeah. Repousse, ne réponds pas. Alléluia. Yeah. Il y a des questions, il y a des gens qui veulent réellement comprendre. Et je pense qu'on peut faire la différence. Ou bien, yeah, on peut facilement faire la différence pour quelqu'un qui vient poser une question pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Mais c'est pas ceux-là qui veulent te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Yeah. Si tu veux un chrétien qui est inébranlable. Wow. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Et Satan est là pour ses, il a beaucoup de ces choses. Et des personnes sont là, ils utilisent beaucoup de personnes pour te poser ces questions. Pour t'amener ces discussions inutiles et folles. Wow. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Yeah. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, mais la question de Jésus, Fils de Dieu, là. Yeah. J'ai expliqué, il n'a pas compris. Ce sont des questions, ça, c'est une discussion inutile. Je lui ai dit, pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Il n'a pas compris. Donc, cela veut dire que la question, c'est pas vraiment pour comprendre, mais pour te dire que tu ne dois pas croire en Jésus Christ. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous allez devenir des chrétiens forts? Des chrétiens qui sont profonds et qui sont inébranlables au nom de Jésus. Si vous suivez ces enseignements, vous deviendrez des chrétiens forts. Et lorsque tu dis que, sois fortifié, tu comprends ce qui est, sois fortifié. Alléluia. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Lève la main et ferme les yeux. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Et prie ce matin. Je veux devenir un chrétien fort, un chrétien profond, un chrétien inébranlable, qui est stable, qui est profond, qui est fondé. Ta vie est fondée sur la parole de Dieu. Tu comprends pourquoi tu sers Dieu. Les questions, les aspects de base de la chrétienté. Tu comprends, tu es profond dedans. C'est pourquoi tu as donné ta vie à Dieu. Et personne ne peut venir te décourager et te faire détourner de ta foi. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Prie cette prière. Dis, Seigneur, je veux être profond. Je veux m'enraciner en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie ce matin. Je veux être inébranlable. Inébranlable, inébranlable, inébranlable, inébranlable, inébranlable. Je ne vais pas laisser quelqu'un me détourner de la foi, de ma foi en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus verra de toi un chrétien fort, raciné au nom de Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, oh, Jésus est. Quand viendront le vent, je veux m'enraciner en toi, oh, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, la tentation, tu vas résister. Je veux m'enraciner en toi, je veux m'enraciner en toi, oh, Jésus est. Quand viendront la tempête, d'être fortifié, des chrétiens fortifiés, des enfants fortifiés, des enfants qui sont forts, qui peuvent résister à la tentation, qui peuvent résister à la tentation, qui peuvent résister au nom de Jésus, Seigneur. Dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner à toi. Je veux m'enraciner à toi, oh, Jésus. Quand oh, viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Une fois, je veux m'enraciner à toi, oh, Jésus. Seigneur, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta sagesse. Oh, que nous devenons des chrétiens qui sont sages, qui veulent être fortifiés, qui sont profonds au nom de Jésus. Et nous pouvons résister le temps des difficultés, nous pouvons résister le temps de tentation, nous pouvons résister au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais de chacun ici un chrétien fort. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousser un cri de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, nous voulons. Je veux prier pour toi. Fermez les yeux, tout le monde, s'il vous plaît. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Peut-être que tu es chrétien, mais tu as retrogradé. Tu t'es détourné. Tu n'es plus comme avant. Tu n'as pas le premier amour que tu avais pour le Seigneur. Mais ce matin, tu es là. Tu veux recommencer avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Avant que nous ne partons. Avant que nous quittons cet endroit. Tu veux lever la main. Merci mon frère, je vois. Lève la main, c'est bon. Lève la main. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Lève la main. Merci. Lève la main. Si tu es là, lève la main pour Dieu. Tu veux choisir, tu veux commencer avec Dieu. Tu veux devenir un chrétien fort. Commencer avec Dieu, devenir un chrétien qui est fort, qui n'est pas facilement trompé et détourné. Lève la main. Tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Et lève la main. Ne sois pas influencé par ton voisin, bien découragé par ton voisin. Toi, tu veux servir Dieu. Tu veux commencer une marche avec Dieu. La Bible dit que ceux qui ont de Dieu, ceux qui ont choisi de servir Dieu, iront au ciel. Mais ceux qui refusent l'appel pour le salut vont se retrouver dans l'enfer. Mais ce matin, tu as choisi d'aller au ciel, pas aller dans l'enfer. Et lève ta main. Choisis Dieu ce matin. Lève la main. Je te donne l'opportunité. Je te donne l'opportunité de donner ta vie à Dieu. Tu prends la meilleure décision. Tu fais le bon choix. donner ta vie à Dieu. Merci. Merci. Ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez bénir devant ma prière? Bien, on va prier. Bien, on va prier. Avant de partir. Bien. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Fermez les yeux, tout le monde. Et répétez. Dites après moi. Dis, Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Ton esprit a touché mon cœur. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Et ce matin, je prends la décision de te donner ma vie. Parce que je reconnais que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je crois qu'il est le sauveur. Et je l'invite dans ma vie. Comme le sauveur. Seigneur, merci. Pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Seigneur, donne-moi la force de résister les tentations, les difficultés et l'ennemi. Donne-moi la force, donne-moi la grâce d'être chrétien fort, d'être un chrétien fort au nom de Jésus. Donne-moi la grâce d'être un chrétien profond, un chrétien inébranlable au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus démissionner. Je vais continuer jusqu'à la fin par la grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Ta présence en moi est ma lumière. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Belimpe, non loin du Trotro Station, en face de Shriga Hostel. Ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30. Pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook LCI, la belle église à Belimpe, pour plus de messages. Soyez bénis.